Monsieur d'amigo, ton parole, ça même c'est plus qu'en parabole. Comme Azovine, très charmante, moi pas de supposé si t'as mis en. Bon, le dis soir, il était très tabou, t'es chitan, t'as fait guitare. Quand on sait un esprit d'auto, t'es sabiné comme Tomazo. A la yon bête, côté, mais oui, monsieur, c'est Tomazo. Si ou j'en va remet, tout ça yo dit, il faut l'accepter. Moi pas vine faire viso. Tomazo. Monsieur Damien, pour ton parole, ça même c'est plus qu'en parabole. Thomas Ovin, très charmante, même pas de supposé si t'amusant. Vendredi soir, il était très tamoué, t'es chitam, t'as vieux guitare. Quand on sait t'en esprit d'auto, t'es Sabine dit qu'on Tomazo. A la yon belle côté, mais oui, monsieur, c'est Tomazo. Si on j'en va remet, tout ça yon dit, il faut l'accepter. Moi, pas vine faire viso. Pas mon Tomazo, non pas le marié, mais mon Tomazo, je parie mes os, Tomazo, on fait vie et os, mais mon Tomazo, je parie mes os, mais Tomazo, on nous fait vie et os, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo,